déjà songé à ce que deviendraient nos vies si nous étions amenés à connaître la médecine. La sensation de douter sur sa vie et son passé, l'impression de ruminer des souvenirs oubliés. Perdre la faculté de reconnaître chaque visage est une découverte, mais ce sont eux qui t'ont aimé. Perdre la notion de l'affection, plus rien n'a de signification, mais ce sont eux qui t'ont aidé. Frappé par l'amnésie, un destin soudain tellement fatal. Touché par l'aphasie, un trou noir soudain tellement brutal. Où suis-je? Qui suis-je? Où suis-je? Mais qui suis-je? Vive dans l'espoir de retrouver un jour son identité. Maudire cette souffrance qui ne s'apaise jamais. Comment peut-on se retrouver privé de mémoire orphelin d'un monde qui nous reproche de ne plus aimer les siens? Perdre la faculté de reconnaître chaque visage est une découverte, mais ce sont eux qui t'ont aimé. Perdre la notion de l'affection, plus rien n'a de signification, mais ce sont eux qui t'ont aidé. Frappé par l'amnésie, un destin soudain tellement fatal. Touché par l'aphasie, un trou noir soudain tellement brutal. Où suis-je? Qui suis-je? Où suis-je? Mais qui suis-je?